Bonjour à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box. Salut Max, comment vas-tu ? Oh bah ça va très bien et toi Alex ? Ça va très bien et nous avons un invité, bonjour Hypercurien. Bonsoir et comment allez-vous ? Ça va très bien. On a fêté les 30 ans étendus ou les 31 ans de Disneyland Paris hier, donc on se dit qu'on va parler d'un land du Disneyland Park. Ouais. Du parc Disneyland pour les plus franchouillards. Comme dirait Danny Boone, les 30 ans c'est comme l'élastique, il est tendu. Non, je l'apprécie. C'est tendu, Natacha. La Disney's Music Box fait partie du label Et la Bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Et vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Et d'ailleurs, on va vous remercier, vous, les patrons. Merci Marie. Merci Valaré et Valarette. Merci Greg. Merci Canloire. Merci Pierre. J'enchaîne. Merci Damien. Merci Jérôme. Merci Samuel. Merci Alice et Bibou. Merci Antinéa. Désolé aussi, mais merci. Merci Nicolas. Merci Antoine. Merci Florian. Et enfin, merci Ludwig. Et ce soir, nous allons parler de Land Discoveryland. Tout a commencé en 1955 lorsque Walt Disney a décidé d'ouvrir son premier parc à thème qui s'appelait donc Disneyland. Un petit peu d'ego là-dedans. Il a ouvert plusieurs landes, plusieurs zones thématiques, une sur l'aventure qui s'appelle Adventureland, une sur la frontière ouest américain avec une frontière. Donc, un sur l'ouest américain qui s'appelle donc Frontierland, sur le monde de la fantasy, il s'appelle Fantasyland. sur le monde de Main Street USA qui s'appelle Main Street USA Land, si vous voulez, mais c'est pas ça. Et il y en a un sur le demain qui s'appelle donc Tomorrowland. Demain-land. Tomorrowland. Tomorrowland qui était donc le land de, un peu des visionnaires. De comment on imaginait le futur. Ce problème, c'est qu'en 55, il y a le souci de le futur. En fait, hein, il est très vite désuet. Par exemple, tu vas faire Autopia, ou est-ce que tu conduis une voiture. En fait, la voiture, ben, elle aura déjà évolué bien longtemps après. Mais bon, ils font donc ce fameux Tomorrowland. Arrive le Magic Kingdom, où est-ce qu'ils font aussi un Tomorrowland. En plus, c'est imparfait, tu vois, parce que dans Autopia, il n'y a pas de SUV. Alors que dans les années 90, le futur de la voiture, ça serait peut-être les SUV, finalement. Oui, ou les monospaces avant, je pense. Ouais, peut-être. Donc on a ça, donc pareil, ils font la même chose à Tokyo. Et puis ben, en France, ils se disent quand même, cette idée d'imaginer le futur qui au final est très vite désuet, ben, c'est un petit peu con. Donc on va faire une sorte de rétro-futur. On va créer un land en s'inspirant de tout ce que les visionnaires d'avant se sont imaginés de notre futur. Il y avait aussi une petite note, je crois, quand ils ont dit ça, ils ont dit, parce que dans les parcs américains, quand c'est désuet, bah, réinvestir, ça dérange pas, mais en France, ça fait un peu chier, quand même. c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, bah, de toute façon, si on fait un truc sur le rétrofuturisme, en tous les cas, ça sera vraiment, voilà, ça sera toujours d'actu, donc c'est bon. On n'aura pas à réinvestir dedans. Et pensèrent-ils. Au final, Discoveryland, c'est peut-être le land où est-ce qu'ils ont le plus réinvesti depuis. Oui. oui. Je pense que clairement, voilà, si on peut faire finir le podcast tout de suite, on peut dire que bah, cette idée, ça n'a pas trop marché. Et que depuis, il n'y a quasiment que des musiques de films, etc. Ouais, c'est que ça. Voilà, et bonne soirée, à bientôt. Bon, bah voilà. Ravi de vous avoir accompagné. Donc, c'est pour ça qu'ils ont imaginé, par exemple, un Space Mountain qui s'inspire du livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune, ainsi qu'à côté le Nautilus qui s'inspire de Milieu sous les mers. Qui est un livre de Jules Verne aussi. On a aussi Léonard de Vinci qui apparaît. Avec une oui, vitrine, pour Alex, puis pour Orbitron aussi. Orbitron aussi, oui. Orbitron. T'as l'Hyperion aussi, qui est basé sur l'île sur le toit du monde. Oui. Robert Stevenson, le film. Et t'as aussi Star Tour, qui est inspiré de Star Wars, avec George Lucas, un sacré visionnaire. J'ai toujours trouvé c'était ça drôle. C'était les maquettes. Ouais, j'ai les maquettes planétaires des armées, du musée des arts et métiers pour Orbitron. Ah. On retrouve un peu, ouais. Il y a G. Wells aussi qu'il faut citer, qu'on retrouve pas mal. Dan Simmons pour Hyperion. Et donc, ouais, et donc George Lucas, hein, qui est un visionnaire un peu pété. Je trouve ça toujours drôle lorsqu'ils disent oui, George Lucas, c'était un visionnaire. En fait, tout ça. C'est intéressant parce que tu vois qu'ils commençaient déjà à justifier ce que le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont passés de oui, mais le futur vu par le passé, à le futur vu par des visions d'artistes, qu'elles soient du passé, du présent ou quoi. Parce que autant, tu vois, pour George Lucas, le débat il existe et tu peux te dire ouais, est-ce que c'était vraiment visionnaire, machin. Soit pourquoi pas, même si dans l'esthétique ça semble quand même vachement différent, sinon tu pourrais mettre du Alien aussi, hein. Enfin c'est pareil, hein, c'est la même époque que Star Wars, une vision du futur un peu datée aujourd'hui. Ou 2001, l'Odyssée de l'espace aussi, truc comme ça. Enfin. Ouais, tout à fait, ou la planète des singes, enfin j'en sais rien, mais tu peux imaginer tout et n'importe quoi en fait, si tu pars de ce principe-là. Avatar, ça pourrait être dans Discovery Land, pourquoi pas. Oh putain, mais bonne idée. Sincèrement, oui. Derrière Discovery Amphitheater. Merde. Regardez Michael Jackson, c'est oui. Futuriste. Hein. Captain EO. Ouais, tout à fait. Michael Jackson aussi, Captain EO. Mais Captain EO, c'était intéressant parce que c'était. La jeunesse du projet, elle est plutôt cool. T'avais un peu ce délire où t'as Michael Eisner qui arrive chez Imagineering et qui va voir un peu les projets qu'ils ont en cours à l'époque. Et il tombe sur Tony Baxter qui lui dit « Ah, je fais ce truc-là, là, ça s'appelle Splash Mountain, ça a l'air vachement bien. » Et il lui dit « Ah, ok, c'est cool. » Sachant que les imagineurs, à ce moment-là, ils étaient vraiment tous en stress de voir comment Eisner allait les bouffer. Ils allaient probablement, ouais. Il allait probablement les démonter. Ils étaient tous vraiment dans une certaine... vraiment sur la défensive. Mmh. Et donc, t'as le fils d'Eisner, je crois, qui phase sur Splash Mountain, et du coup Eisner il dit bah franchement pourquoi pas faire Splash Mountain, ce sera prêt d'ici combien de temps, et t'as Tony Baxter qui dit bah d'ici 3 ans grosso modo, et t'as Eisner qui dit bah c'est cool mais c'est long, et donc derrière il voit et puis il réfléchit, ah, on pourrait peut-être faire un truc un peu plus rapidement, machin, on va voir avec George Lucas, il y a peut-être moyen de faire Star Tours et tout, on a plutôt des bonnes passerelles avec lui, il y a moyen que ça se fasse. Et donc là, il dit, oui, mais ça prendra bien 2 ans quand même à faire. Et du coup, derrière, c'est comme ça que t'aboutis à Captain EO. Captain EO, c'est... Tu le sens que c'est une attraction Eisner, parce que c'est un mec qui vient du cinéma, c'est un mec qui est dans le showbiz et dans tout ça, et donc t'as un peu un mélange de Lucas, Coppola, Michael Jackson, tu vois, et Imagineering. Donc c'est un peu comme si... C'est un peu comme si je demandais à Max de monter une équipe de foot. Il arriverait, il dirait, bah, je sais pas, Ronaldo, Messi, Mbappé, tu vois. Enfin, ce côté un peu... un peu... Ruffier, quand même, ruffier, tu vois. Je suis... tu cherches à faire un peu un espèce de best-of, voilà. Sans forcément réfléchir au sens et à ce que tu veux faire. C'est juste histoire de faire un best-of, et puis on fait un film, et puis hop, on a une nouveauté rapidement. Ouais. C'est très marketing, finalement. Puis c'est accessoirement aussi avec la 3D stéréoscopique, aussi. C'est les débuts de cette chose-là, hein. Tout à fait, accessoirement, oui. C'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à l'intégrer. C'est, on vous a montré le futur, le rétro-futur, et bah regardez ce que pourrait être le futur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, aux États-Unis, ils avaient l'habitude de faire des films comme ça. Hein. T'en as eu pas mal. Hein. Je suis jamais forcément intéressé, mais je me demande vraiment quand ça date. Bah, de toute façon, quand je regarde la stéréoscopie bah, directement, on a 1983, voire même 1500. Okay. Bah, en fait, souviens-toi quand on était jeune du principe des lunettes bleues et rouges. Rouge et verte là. Ouais. Bah, tu vois, t'as toujours eu un petit peu ce fantasme de la 3D dans les années 80, 90. Et c'est quelque chose qui revenait assez régulièrement. Donc, oui, c'est pour ça que dès que des parcs ont pu le faire, ils l'ont fait, je pense. C'était un peu de la techno facile à faire, mais pas trop. Le problème, c'est que ça a vieilli assez vite, quoi. Aujourd'hui, la 3D, c'est un peu comme seront les drones, je pense, dans les spectacles nocturnes dans 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que bah, il en faut, parce que ça fait partie du truc. Ouais. Mais t'es pas là pour ça. Mais c'est plus le fer de lance. C'est ça. Puis voilà, sinon, pour le petit tour qu'on pouvait faire sur Discovery Land, pardon. Après, il y a eu d'autres évolutions dont on parlera au fur et à mesure en découvrant les musiques. Et nous commençons par la boucle d'ambiance de Discovery Land. La boucle d'ambiance de Discovery Land est composée par David Tolley. C'est un compositeur et pianiste américain qui s'est spécialisé dans la musique électronique. Alors, il faut savoir que c'est un gars, pour la petite blague, en fait, il est allé voir une émission, un des fameux late show américains avec le présentateur qui est là et qui reçoit plein d'invités. Et de manière assez amusante, plus que sage comme en France par exemple, ce n'est pas Michel Drucker le gars non plus. Et en fait ce jour-là il devait avoir un invité, un pianiste qui a eu un accident de voiture ou un truc comme ça juste avant, en fait en partant sur l'émission. Donc le présentateur apprend durant l'émission que son invité ne serait pas là. Et là en fait il dit à son public: est-ce que quelqu'un sait jouer du piano ici? Et il y a quelqu'un qui a répondu: non, moi je sais juste jouer du piano debout. Pardon. C'est peut-être un détail pour vous, mais bon, pour moi, ça veut dire pour beaucoup. Hein. C'est ça. Et en fait, il y a une vieille qui s'est pointée, qui a dit: ouais, moi, je sais faire Au clair de la lune. Elle fait Au clair de la lune, c'est un peu à chier, tout ça. Et puis à côté, t'avais donc ce David Tolley, ce fameux compositeur qui était en tongue. En tongue. Quand tu regardes la vidéo, tout le monde se fout de sa gueule par rapport à ça. Il se met au piano et il fait la musique de la chanson de Cats, Memories, au piano. Avec tous les arpèges, les accords et tout le machin, mais en tongue. Et au final, il s'est fait interviewer, et puis c'est comme ça qu'il a appris à se faire connaître du grand public. Dans les années 90, au moment où Imagineering est en train de concevoir Disneyland Paris, le mec de chez IMAG qui était en charge des musiques du parc a donc contacté David Tolley, lui a donné plusieurs mots-clés qui pouvaient l'aider. Il y avait Nostalgie, il y avait Rêve, il y avait Disney. Pour toi, c'est quoi une musique Disney? Il y avait le futur, il y avait l'espace, tout ça. Et il a dit: on te file tout ça, et puis tu nous composes, s'il te plaît, une heure de musique. Il y a plein de titres différents. Il y a la parade de Christaphoris, il y a Evenly Flight, donc le vol paradisiaque, si on peut dire. Le vol. Tout ça, en plus, raconte une histoire. Tu sens vraiment des explorateurs qui vont visiter un nouveau monde. T'as une progression. L'heure de musique se découpe en parties de 20 minutes. Quand j'écoute la musique de Discovery Land, y a toujours une musique qui me revient parce que j'ai toujours l'impression qu'elle l'est dedans. Mais je suis jamais sûr. À chaque fois, il faut que je vérifie. C'est dire à quel point ça match. Je trouve que la bande originale de Rocketeer, ouais, elle fonctionnerait parfaitement dedans, en fait, si elle n'y est pas déjà. La Rocketeer, en fait, est, parce que la musique de disco d'ambiance, c'est vraiment la musique composée pour ça. C'est la seule musique composée pour une zone d'ambiance pour le complexe français. Dans les autres parcs Disney, par exemple, il y a la musique de Galaxy's Edge qui a été recomposée par John Williams. Mais Rocketeer a été utilisée pour la musique d'ambiance de Space Mountain, premier du nom. Non, mais parce que quand t'écoutes Evenly Flight, tu mets Rocketeer à côté. Je trouve que t'as un peu la même progression, t'as un peu le même esprit. C'est, c'est leur manière en fait de faire de la musique spatiale. Il y avait aussi la France dans les mots-clés donnés par Imagineering pour parler de la musique de Discovery Land. Ce qui fait que par exemple le côté dansant, en fait, tu vas retrouver dans toutes les musiques de valse. Toutes les musiques à trois temps de valse, il y en a deux ou trois de musique dans la boucle de disco. Y a plein de moments où t'as des grands passages très plats, très lents, parce que en fait tu vas avoir un gros accord qui va être posé. Enfin, on va avoir un gros accord qui va être posé avec plein de petits effets sonores par-dessus. Ça va être pour rappeler le côté vraiment la découverte, l'exploration, l'émerveillement aussi du monde. Evenly Flight, c'est juste le thème spatial, le truc vraiment. Le fait que tu veux dire, oui. Ce soit une découverte. Alors, j'ai toujours trouvé un truc très étrange sur Evenly Flight, c'est le passage justement dans les tonalités différentes en plein milieu. Oui. Surtout sur la troisième tonalité du morceau, donc deuxième de ce passage-là. C'est une contemplation. Sauf que quand tu l'écoutes, en fait, ça fait l'impression que tu contemples le paysage qui est devant toi. D'accord. Je suis d'accord que dans Evenly Flight, il y a un côté contemplation et un côté un peu limite Spielberg, en fait. J'imagine totalement ça en OST d'un Spielberg avec vraiment des longs plans larges où tu découvres une planète, tu découvres, un environnement vraiment étrange ou fantastique. À l'époque, quand j'avais un peu décortiqué la musique, je parlais vraiment de féerie et d'utopie. Ouais. Tu as vraiment l'impression de découvrir un monde totalement utopique. Ouais, je suis d'accord. Tu dis que c'est la seule loupe qui a été composée pour Disneyland Paris. Oui. Donc, c'est la seule loupe qui a été composée de A à Z par le même compositeur. Oui. Ok. ok, je trouve ça intéressant parce que ça. Le mec tu a vois vraiment pensé. Tu vois, quand je dis qu'il y a un aspect narratif là-dedans, il y a vraiment une progression. Merde. Parce que je sais qu'il y a pas mal de cast members qui bossent à Discoveryland, et notamment dans les positions extérieures, donc par exemple dans les différents postes de greeter, donc les gens qui sont à l'entrée des attractions, ouais, ou alors les attractions qui sont totalement en extérieur, style Orbitron. J'ai ouï dire qu'ils avaient assez vite un peu marre de cette boucle. Parce que je pense qu'elle a peut-être, oui, elle a peut-être un côté où elle est plus, tu vois, comme c'est toujours le même compositeur, c'est toujours c'est le ça même truc, c'est peut-être moins varié. Elle ne dure qu'une heure déjà, donc si t'as le mec qui va bosser, je sais pas, son truc, il va bosser 6-7 heures, il va entendre 6-7 fois la musique, c'est vrai que t'as vraiment toutes ces mêmes transitions où t'as une note, en général c'est la note Do, c'est tout en Do majeur, parce que c'est, oui, c'est un peu facile à faire, et qui fait le lien entre chaque chanson, donc tu vas avoir le truc qui va être posé, tu vas avoir des effets par-dessus, tu vas avoir des accords, tu vas avoir un petit bout de thème, tu vas avoir même tu vas avoir des thèmes et variations, tu vas avoir une mélodie qui va être utilisée sur un titre, et puis il va être varié plus rapidement, plus lentement, avec d'autres rythmiques, tout ça. Je peux comprendre que, ouais, ça, c'est, j'ai un peu l'impression que ça tourne en boucle. Ouais, hein. Dans les titres, on a une valse française, une valse française folle. On a Timeless Wonder, je vous laisse traduire s'il faut. Les merveilles intemporelles. La gloire de Christina, la parade de Christaphoris, donc Heavenly Flight, qui est donc le vol céleste, une boucle qui s'appelle Discoveryland, The Whimsical Parade, donc la parade capricieuse, l'exploration de Christaphoris. Donc ouais, au niveau de l'histoire, tu vois qu'au niveau des titres, tout réside autour d'un personnage qui s'appelle donc Christaphoris. La grande procession, la valse dans le parc, la découverte d'Hilary, et puis la parade de Christine. Donc tu sens, ouais, qu'il y a trois personnages, peut-être deux univers différents, l'explorateur, la princesse du truc, un peu à la Atlantide. Quand je vois ces titres comme ça, et que j'entends la musique, j'imagine une histoire à la Atlantide avec Minotage qui découvre l'univers et puis ce monde, ça, ouais. Puis au milieu, t'as un espèce de gala avec un truc dansant. Ouais. T'as ce côté un peu festif aussi, quand même. Hein. Je trouve. Hein, c'est... Oui, il y a de l'exploration, oui, il y a tout ça, mais t'as un côté aussi où on célèbre un peu le futur, on célèbre l'endroit où on est. On rappelle que Discoveryland, c'est un peu par la force des choses, c'est un espèce d'énorme hub de transport, finalement, où t'as l'Hyperion, qui est un bateau qui... Enfin, un dirigeable, t'as Space Mountain, donc voilà, c'est des navettes dans l'espace, Autopia, des voitures, Star Tours, pareil, des vaisseaux, c'était vraiment un hub de transport, c'est presque un énorme aéroport, finalement, et du coup, il y a ce côté un peu grouillant de vie, mais grouillant d'enthousiasme et de bouillonnement, je trouve, qui ressort beaucoup. Ça se ressent beaucoup. Les mots utilisés, ouais, pardon, je reviens juste sur ces mots que Imagineering avait donné à David Tully, c'était musique de film, intemporalité ou gloire. Il y avait d'autres mots aussi, que j'ai musique française, le rêve, Disney. C'était... Je trouve que la musique de Discoveryland réussit plutôt bien à combler l'absence de mouvement du land. Parce que c'est un land qui est quand même assez statique. Discoveryland ? Ouais. Je trouve que si tu regardes, t'as la première partie, effectivement, où t'as Orbitron qui tourne et qui est un point central. Il y a toutes les lumières sur Space Mountain. Ouais, et mais sur la journée, t'as pas de lumière, mon cher. Et après, derrière Orbitron, il n'y a plus grand chose. Il y a Autopia, mais Autopia, c'est en contrebas, donc tu ne le regardes pas forcément. Et en fait, au-delà de ça. Derrière Space, c'est très vide. T'as aussi. Il y a un moment, quand j'écoute cette musique de Discoveryland chez moi, ce que je me rappelle vis-à-vis de Disneyland Paris, c'est le passage entre Fantasyland et puis Discoveryland. Cette musique est jouée à cet endroit-là. Et ben, c'est cette transition de. Entre les deux parties, c'est ça. Parce que tu vois, quand tu parles de vide, eh ben, t'as cette musique qui t'apparaît là-dedans. Tu vas rentrer dans la procession, tu vas rentrer dans la parade, dans la fête. Ouais. C'est un peu comme si les allées étaient un espèce d'entre-deux, entre deux événements. Ouais, c'est ça. Là où, si tu regardes à Frontierland, quand tu es dans les allées, tu es vraiment dans le land, t'es en train de vivre une aventure. Alors que quand t'es à Discoveryland, tu te diriges vers des aventures. Ouais, mais l'aventure, elle est pas vraiment dans le land, elle est dans les différentes infrastructures. L'Hyperion, le Space Mountain, l'Autopia, et ainsi de suite. C'est le Nautilus. De quoi ? Le Nautilus. Connais pas. Oui. Il a, c'est le truc derrière les palissades. Ah, le compositeur a écrit la musique en 6 mois. Et la musique n'a pas été enregistrée. C'est pas mal pour une heure. Hein. Oui, et en fait, lui parle même. Alors, il parle souvent dans ses interviews de 2 heures de musique. Alors, sur 2 heures de musique, j'ai jamais réussi à trouver l'autre heure. Peut-être que je vais la découvrir la semaine prochaine. J'en parle juste après. Donc en fait, la musique n'a pas été enregistrée, ce qui fait qu'on a un rendu de musique MIDI. C'est de la musique électronique. Ce sont des sons qui sont... Musical Instrument Digital Interface. Voilà. Donc ce sont en fait des instruments de musique qui sont recréés par ordinateur. Et donc en fait, le mec a pris son clavier, a joué ça, a tout enregistré, a superposé ses pistes d'enregistrement comme à l'époque, parce qu'il y avait peut-être beaucoup moins d'ordinateurs aussi pour l'époque. Et c'est cette musique-là qui est diffusée dans le land. Je trouve que ça apporte son charme. Ça apporte son charme au land, parce que c'est un land des visionnaires, c'est un land futuriste, rétro-futuriste... Steampunk, excusez-nous d'utiliser ce mot-là. Pardon, c'était le point, j'étais obligé. Et en fait, c'est vrai que t'es dans un monde normalement qui n'existe pas, qu'on n'est pas censé connaître de notre vivant quand on sort de Disneyland Paris. Ben, le fait d'avoir une musique qui est totalement fake, ça te renforce dans cette idée de t'es dans un monde utopique, dans un monde qui n'existe pas. Et pourtant, petit message de Sam, je savais pas que le futur c'était les burgers froids. Putain, Alex, dur. Pas toi, Alex, pas toi. Dur. Merci. Mais par contre, quand on écoute la musique, coup dur, il n'a pas été à l'orchestre, moi non plus. J'ai perdu 2 euros ce soir. Pardon. Mais quand on écoute la musique de Discovery, on peut quand même se rendre compte que ce sont des. Tu peux réécrire la musique pour orchestre. Tu peux l'adapter. Un orchestre symphonique peut jouer cette musique. Toutes les sonorités sont faisables. Donc, bah, allez-y. Je pense que. Putain, vous êtes des musiciens, vous deux, non ? C'est pas l'envie qui monte que. C'est pas le nombre d'appels que j'ai fait sur Internet qui pourrait. Enfin, bref. sincèrement, si un jour je fais vraiment une thèse, je pense que je la fais sur ça. Et l'objectif de la thèse, ça serait de pouvoir tout réécrire pour orchestre. Ça serait pas si difficile en plus, je pense. Alex, si t'as un peu de temps à perdre, n'hésite pas. Donc voilà. Ce qui fait que c'est pour ça, je pense aussi que la musique reste MIDI, hein, c'est parce qu'elle a pas eu le temps d'être enregistrée et puis ils ont eu un peu la flemme de l'enregistrer. Ça coûte cher. Et au final, je pense que c'est même mieux qu'ils l'aient laissé comme ça dans tous les cas. J'aimerais bien, effectivement. J'aimerais bien quand même un jour qu'elle soit enregistrée. Ils l'ont jamais enregistré, mais même pour un CD, une version orchestrale. Non. Alors, David Tolley le fait très souvent, Evenly Flight, au piano. Genre, chaque année, oui, il fait un concert de Noël chaque année. On la trouve sur Insta, d'ailleurs. Voilà. Ouais, sur YouTube, il le diffuse assez fréquemment. Sur Spotify, Deezer aussi, il a fait une version album, CD de sa musique. Et c'est le seul titre qu'il joue. Je pense que Disney doit avoir les droits de la boue de disco. Et le mec a dû récupérer un seul droit, celle de Evenly Flight. C'est probablement un des meilleurs passages. Enfin, je pense que Evenly Flight, c'est le plus marquant, hein, finalement. Pour moi, c'est l'hymne. Oui, ouais. oui, clairement, oui. Il y a 2 ou 3 titres qui ressemblent beaucoup au thème de Evenly Flight, que j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, comme on le disait, c'est... au final, toutes ces musiques, elles se ressemblent quand même toutes. Oui, bah, ça fait écho, en fait. Ça marche, c'est un peu comme les leitmotivs. Oui. Mettre un compteur de leitmotiv dans les films, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'Evenly Flight est un peu le morceau qui pose la base et que le reste construit un peu autour de ça, quoi. Et on reprend souvent des petits bouts. Bah, je pense aussi que, en fait, dans ces sous-parties de 20 minutes, tu dois avoir aussi les mêmes musiques. Tu dois avoir une valse, tu dois avoir la musique de contemplation à l'Evenly Flight, tu dois avoir la musique un peu amusante à la Christophoris Parade, par exemple. Et comme ça, on aura déjà fait une attraction de Discoveryland. Orbitron. C'est la même musique que Orbitron. Bah forcément. Enfin, oui, parce que c'est extérieur, on s'embête pas à faire. Après, alors, tu sais, est-ce que tu veux des détails sur l'audio de Orbitron ? Vas-y. Eh ben, figure-toi que dans l'audio de Orbitron, il y a au moment où les navettes sont à l'arrêt, un petit voilà. Qui existe. Il a une fonction technique, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de la dévoiler publiquement. Non, c'est, en gros, c'est censé être un espèce de météore et, ouais. Qui est censé signifier quelque chose aux gens qui travaillent sur l'attraction. D'accord. Et puis après, je crois que c'est tout au niveau... Même dans la file d'attente d'Autopia, je crois que c'est juste un spiel nous disant de faire attention. Il n'y a pas la musique de disco. Utopia. On reste sur le Land en 92 et puis on avance dans le temps. Donc ouais. On a parlé d'Orbitron, on a parlé d'Utopia et puis on a aussi le Visionarium. Ah. Le Visionarium qui était donc une attraction à 360 degrés. Une attraction conçue pour la France. Oui. Pour satisfaire notamment... en fait, une des raisons qui font que Verne est aussi mis en avant dans notre Discoveryland, c'est que tu avais dans la convention entre l'État et Disney, ils parlaient beaucoup en fait, du fait d'avoir des références à la culture française dans les parcs. Et du coup, le Visionarium était un petit peu le point d'orgue de ça, puisque c'était une attraction qui était pensée pour la France, sur Jules Verne, avec des acteurs français. Je sais plus qui était le réalisateur, mais je serais pas étonné que ce soit un français. Et regardé ça. Il y avait dans les acteurs, il y avait Depardieu. Depardieu, bien sûr. Michel Piccoli, qui incarnait Jules Verne, Piccoli. Hein. Et donc c'était une attraction qui, à sa sortie, était vraiment inédite à Disneyland Paris. Qui a été ensuite dupliqué en Floride et au Japon. À Tokyo aussi, Et qui a fermé à Floride en 2006 et au Japon en 2002. C'est ça. Et en France en 2004. Putain, c'est qui le réel ? C'est Jeff Bliff, apparemment, qui a fait Douma et ses amis, à chacun sa vérité, Reflection of China. Donc Reflection of China, je crois que c'était pour Epcot. Et Wonders of China aussi, qui était peut-être également pour Epcot. Donc je pense que le gars bossait principalement chez Disney. D'accord. Je le connais pas. Je veux pas faire genre. Hein, mais. Et il y a des très belles musiques. Par exemple, la musique que vous avez là derrière, je parle pour les spectateurs, c'est From Time to Time, une version symphonique, qui est présente lors du loop d'entrée dans le Visionarium. Et qui est effectivement très très belle, qui appelle vraiment au voyage, je trouve. Oui, c'est ça. C'est un mec qui a beaucoup bossé chez Disney, Jeff Blith. Il a fait plusieurs interviews. Si jamais vous êtes anglophone, il a fait des interviews chez WDW News Today et chez The Tomorrow Society podcast. Voilà. D'accord. Donc il parle notamment de son travail sur Wonders of China. Donc les pavillons, en fait, les différents pavillons, parce que pour ceux qui ne situent pas à Epcot, tu as le lac. Avec le World Showcase, où en fait sur chaque... c'est un lac, et tout autour il y a des pavillons qui représentent différents pays, et en fait souvent, pas tous, souvent les pays sont... Le fameux tour du monde d'Epcot. Oui, qui consiste effectivement à boire un verre différent à chaque pays. Mais en gros, souvent dans les pavillons, t'as un petit peu la solution de facilité, c'est un petit peu, on met un espèce de petit cinéma avec un film dedans, des fois des films en 360 degrés, des fois pas... Et lui, il a bossé apparemment sur les pavillons chinois notamment, et peut-être aussi aux États-Unis, mais je suis pas sûr. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a un thème principal qui est modifié, développé à chaque fois au fur et à mesure du show, et qu'on retrouve à la fin. La version la plus connue, en fait, c'est la version de sortie du show. Le côté un peu apothéose générique de fin, finalement. Très, très épique, hein, donc très épique, hein, donc aspect très musical, c'est de la musique qui est faite en triolet. En fait, le triolet en général, c'est très marcato, très marché. Et puis donc on a des grands sauts d'octave, des trucs comme ça, une grande marche en fait, qui est assez sympathique et qui donne cet aspect vraiment conquérant, fier. Voilà, et donc oui, comme vous disiez, donc, maintenant on la retrouve, cette musique entre Discoveryland Station et puis... Et Main Street Station quand c'est synchro, parce que c'est pas toujours synchro. Voilà. Hier, on a eu vraiment la musique du Visionarium arrivée à Main Street. Et on a aussi eu la musique de Mary Poppins dans Pirates des Caraïbes, ce qui était un peu étonnant. c'est aussi la musique, je crois, de Bend de Rien que d'y penser. Non, c'est la musique du début. Le bed après le générique, effectivement. Oui. C'est aussi, et on les embrasse, le générique de début de Mestre Actu. Ah, bonne idée, franchement. On les embrasse. Malin d'y avoir pensé. Ouais. voilà. On a fait le tour en 92 ? Non, c'était Star Tours. On a fait le Star Tour. Star Tours. Première version. Oui. Tarzan's première version, bah en fait, c'est on, la musique a... du film. Voilà. On a la musique du film dans l'attraction. Alors, musique du film qui a été retravaillée par Richard Bellis. Je vais confirmer ça, mais qui a été retravaillée par Richard Bellis, qui est un compositeur de musique de film, qui a beaucoup retravaillé les musiques pour les parcs Disney. Qui a aussi composé la musique de Indiana Jones Adventure, attraction qui se trouve entre Pirates des Caraïbes et Indiana Jones et le Temple du Péril. À Paris, effectivement. Pas du tout. Mais il y a l'espace pour, ça se voit, quand tu prends le train. Quand tu prends le train, même, la fois, Alex, tu me montrais ça, quand on était en haut de la cabane des Robinson, on voyait bien aussi l'espace de libre. Je savais pas qu'Alex te faisait monter aux arbres. Ah, je te fais monter très haut. Beaucoup de choses avec Alex, t'inquiète pas. Et donc, il a aussi composé une musique, je crois que c'est la musique des droïdes, ou la danse des droïdes, un truc comme ça, pour dans la file d'attente, au moment où on a les deux robots là, qui sont un peu flemmards et débutent grévistes, et qui est inspiré dans le secteur de 2. La... Ouais, de la secteur 2, excuse-nous, Alex, c'est vrai. Ah bah tiens, Alex, on en parle un petit peu. Et justement, qui là... s'inspire en fait de la cantina bande. Avec des percussions très très midi, justement. Ouais, c'est extrêmement midi. On peut dire qu'ils sont allés chercher du midi à 14. Ah, ils ont cherché le midi à Tatooine. Mais vu qu'il y a deux soleils à Tatooine, est-ce qu'il n'y a pas je trouve que ces percussions font extrêmement, comment il s'appelait ce compositeur de publicité et de chansons totalement connes là, comme Asterix, etc. Là. Gotenner, Richard Gotenner, oui. Percussion de Richard Gotenner. Ah, c'est incroyable. C'est là, ça va faire mal. Non, ça, c'est pas. Non, c'est la potion magique, etc. J'ai pas la bonne. C'est la décalcomanie, Gotenner, par exemple. Mm. Et là, c'est des trucs de vieux aussi, Alex. Je sais pas si. Oui, c'est des trucs de vieux, je sais. On est vieux, hein. Après, on pouvait prendre aussi l'exemple de. Comment il s'appelle ? Celui qui a fait la symphonie du temps présent. Pierre Henry, tu vois. Ça fait très années 50, musique concrète, musique mixte. Excusez-moi. Vraiment, les gens qui ont deux fois un nom, désolé, je ne peux pas. Deux fois un prénom dans leur truc, je ne peux pas. Pierre-Henri, ça va Excusez-moi. Après. J'ai une absence, j'ai regardé, je suis tombé sur le Yuki de Gotenner, je vous conseille fortement le clip. Et ensuite, en 2017, Star Tours a été mis à jour 5 ans après les US et puis le Japon. Dans la file d'attente de Star Tours, l'aventure continue. Il n'y a plus de musique, il n'y a juste que des bruits d'ambiance. Ah. En fait, qui sont en lien avec le scanner à bagages, le robot qui regarde. Le petit Georges a perdu ses parents, le petit Georges cherche ses parents, Lucas. On est à ce niveau-là de référence, quand même. Non, en plus. C'est vrai. Et par contre, dans l'attraction, la musique ressemble beaucoup à l'attraction originale, en fait, qui ressemble beaucoup au film original tout court. Et on a C3PO qui fait quelques petits refs aussi. Ah, les freins, où sont les freins ? Le truc comme ça. T'as des moments assez marquants dans les nouvelles scènes, je trouve que, en fait, tu vois que chaque. Parce que donc aujourd'hui, t'as des voyages différents à chaque fois avec des scènes empruntées de différents films. Oui. Et je trouve que notamment, tu vois qu'il y a certains films qui ont une identité peut-être un peu plus marquée que d'autres. Je pense notamment. Lorsque tu vois la scène. Je pense à la scène de Krayt, moi. Tu sais, dans la planète de sel, avec toute cette séquence. T'as une musique un peu plus calme, un peu plus contemplative qui s'en vient, et je trouve que c'est ça marque un peu le ton par rapport à d'autres. Moi, ce que je trouve un peu plus impressionnant, c'est par exemple quand t'as Leia qui arrive, t'entends le thème de Leia qui est juste derrière. Ouais, alors là, je trouve ça un peu plan-plan, mais ouais. C'est facile, c'est plan-plan, c'est clairement du John Williams dans les films, mais je trouve ça au moins réconfortant par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu l'attraction de la flemme, voilà. Bah, tu mets du Star Wars. C'est pas moi qui vais dire le contraire, et pourtant j'y ai bossé pendant longtemps. Ouais, c'est... Après, c'est pas une mauvaise attraction, attention, ça veut pas dire. C'est une attraction qui permet vraiment d'être satisfait, on vit du Star Wars, son point de vue visuel, et puis son point de vue musical, et puis les mouvements aussi. Ça marche. Ça marche très bien, mais c'est un peu facile, quoi. Ouais, oui, c'est... totalement. Disons que le génie d'il y a 30 ans, aujourd'hui, Tu sens que quand sur les nouvelles scènes, bon bah voilà, on a un film, on a qu'à s'inspirer vite fait d'une des scènes du film et on, tu fais un c'est petit ça. Truc et puis voilà, on n'en parle plus quoi. C'est pas. Y a pas une recherche folle sur les différentes scènes où tu dis ok, là on essaie de me proposer quelque chose d'un peu différent. C'est très sur des rails quoi finalement. Puisque c'est un simulateur. C'est limite un jour, il pourrait faire clairement des scènes de film qui reprennent des mouvements de, d'autres scènes. Comme ça, ils ont juste qu'à mettre l'image et puis ils changent pas limite, le. Ouais. T'imagines, t'as tout le temps les mêmes mouvements du truc. Tu fais oh, hop. C'est bizarre quand même. Le retour. Donc voilà pour sinon le fond de Discoveryland avec Star Tours. Juste à côté, on a le. Alors, initialement, 92, le Cinemagic Theater. Cinemagic Theater, ouais. Oui. Qui proposait donc, comme on en parlait tout à l'heure, Captain Neo, un film où Michael Jackson doit aller combattre une méchante reine qui, en fait, s'est faite ensorceler. Ouais, c'est sauver le monde avec la musique. Enfin, est-ce que vraiment les gens ont quelque chose à faire de l'histoire de Captain Neo? Est-ce que les gens ont quelque chose à faire tout court de Captain Neo? Alors c'est discutable, tu vois, peut-être, mais au moins, c'est je veux dire, l'intérêt de Captain Neo, c'était le visuel, la musique, l'histoire, je pense que jamais personne, tu vois. C'est vrai qu'on comprenait pas l'histoire. Je sais que quand il l'avait remis en 2009, 2010, je l'ai fait une fois, et on s'est grave fait chier devant. C'est assez étonnant qu'ils aient jamais sous-titré. T'as quand même pas. C'est parce que c'est un peu long le début, hein. Avant qu'on arrive à la scène de la battle de danse qui est plutôt cool. Je trouve que la fin de Captain Neo est plutôt sympa, t'as 5 minutes assez cool. Mais tout le début c'est long. Ouais. Avec cette espèce de Star Wars Echo Plus là, avec toutes les marionnettes un peu travaillées dans c'est un ça. Style qui sont pas forcément moches, hein, mais Alf, on s'en fout Alf. En fait. Après, la musique, quand même, était plutôt cool. Hein. Alors, cette musique-là, oui. on la retrouve dans... On retrouve un extrait de Captain Neo dans la boucle de... Gonna change the world. Des parkings. Oui. Ta-di-la-di-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Et voilà. Mais, pour moi, Captain Neo, sincèrement, je peux pas trop vous en dire grand-chose pour ma part, parce que je l'ai fait qu'une fois. Ah, franchement, l'a fait pas mal, mais t'as le combo de musique We Are Here to Change the World et Another Part of Me, qui sont donc les deux chansons de la battle de danse à la fin, qui sont plutôt cool, hein, quand même. Moi, je. Alors, dans mes souvenirs, oui. qui sont vraiment très Michael Jackson, en plus, vraiment dans le style de Michael Jackson, où c'est très rythmé. Ouais. Oui, comme tu dis, en fait, cette battle de danse, oui, tu sens du visuel musical, c'est peu de souvenirs que j'en ai. De toute façon, c'est des clips de Michael Jackson. C'est ça. Oui, clairement, oui. C'est un enchaînement de musique à la Michael Jackson. Est-ce que c'est peut-être le même chorégraphe que par exemple pour Thriller ou pour Smooth Criminal ou. C'est probable, mais t'as l'espèce de robot qui devient un instrument de musique. Enfin, ça, franchement, ça a de la gueule quand même. Chorégraphié par Jeffrey Honaday, qui avait chorégraphié les films Flashdance, Dick Tracy, Chorus Line, et aussi Captain Neo, bien sûr. Il a. Bossé pas mal avec. C'est lui qui a fait la chorégraphie de Teen Beach Movie, si vous voulez. Voilà. Chorégraphie avait un côté presque Bollywood sur certains points, tu sais, où t'as plein de back dancers. Bah, dites-vous que. C'est pareil, c'est aussi, il ça. A aussi je chorégraphié dire, en 87 ça, hein. Walt Disney's Wonderful World of Color. L'épisode de Double Switch. D'accord. Qui était une série télévisuelle. Voilà. Après Captain Neo, on a eu Chérie, j'irai très supplique. Oui. Qui était un film sympa. C'était quand même. Non, j'ai vraiment pas aimé. C'est vrai. Je détestais ça. Ouais. En fait, ça m'a traumatisé. Pareil. Les serpents, les souris. Les serpents et les souris qui m'ont traumatisé. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'au final, quand on fait des cinémas 4D dans d'autres parcs. Et ben, on est toujours autant impressionné par ce même procédé alors qu'on connaît le truc. Tu vois, par contre, moi j'ai souvenir parce que je suis vieux qu'à l'école primaire ça parlait beaucoup quand ils ont ajouté Chérie, j'arrête récit public. Voilà. Excusez-moi d'être vieux, mais je me souviens d'une certaine hype à l'époque quand ils ont mis Chéri, j'ai rétréci le public, qui a vraiment existé. Il y a vraiment eu un truc, oui, t'es rapetissé, machin, tu reçois de l'eau, tu reçois des éléments, il y a des machins qui viennent te gratter les pieds, machin. Ça avait vraiment un peu infusé. Je vais pas dire que c'est un Space Mountain non plus, mais il y avait un petit peu quand même un élan. Et j'ai connu des séances de Chéri, j'ai rétréci le public qui étaient pleines. Ah oui, oui, carrément, oui. Ah oui, c'était super... Où t'avais de l'attente, là, vraiment, la file d'attente de Discovery Land Theater a été vraiment blindax, quoi. Oui, oui, non, mais totalement, mais de toute façon, s'il y avait des pré-shows, c'était pas pour rien, à la base. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un pré-show à Discovery Land Theater, et il sert à rien, et d'ailleurs, il y en a même plus vraiment, mais à l'époque, si t'en avais un, c'est aussi parce que t'avais un peu d'attente avant, donc là, ça te permettait de compter les gens et d'être prêt à rentrer en salle, quoi. Donc, avec le très très très long, le pré-show de Chéri, j'ai rétréci le public était désastreux, avec un sponsoring de chez Kodak. Qui était insupportable. Ouais. Un peu d'imagination. Et t'avais le gamin qui perdait son chien et tout ça. Et tu pleurais. Puis après, à la fin, il le retrouvait parce qu'il avait fait une photo. Et du coup, il avait mis sur les murs. Et puis à la fin, il y avait plein de petites scènes comme ça de merde. Et c'était beaucoup trop long et insupportable. Et donc, c'est arrivé en 99 en France. Ouais, dans ces zones-là, putain. C'est pour ça aussi, peut-être que je l'avais connu parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les salles. Parce que je l'ai fait en 99, une des rares fois où je l'ai fait. Donc, c'est pour ça, je pense que les gens étaient, comme tu dis, vraiment hypés par le truc. C'était le truc qu'il fallait. Sur le point de vue musical, c'était pas folichon. Bon, c'était de la... En fait, c'est une attraction qui était américaine de base. Donc, si la musique vient des États, enfin, si le film vient des États-Unis, la musique sera, pour l'époque, c'était pas extraordinaire. Le principe, c'est que le mec recevait un award dans je sais plus quelle émission à la con. Et du coup, c'était un peu la musique de l'émission, quoi. Donc, c'est un petit peu comme si tu mettais la musique du Juste Prix, quoi. Imagination Institute. Ouais, l'Imagination Institute. Ce côté un peu... Elle a un côté tram tour pour le coup, celle-ci, je trouve. Il y a un côté un peu... Musique d'attente. Musique d'ambiance d'attente, un peu amusante. Qui est censée être un petit peu solennelle quand même, tu vois. Un côté un peu... T'as très peu d'instruments, t'as pas de grands thèmes musicaux qui vont un peu te marquer. Non, non, c'est juste... On est là pour te faire attendre. Et puis pour animer, pour raconter musicalement un petit peu ce qui se passait à l'écran, sachant que ce qui se passait à l'écran, c'était déjà très bruyant. Puis, dans mes souvenirs, pareil, il n'y avait pas beaucoup de musique dans le film. Non, c'était plus une musique de présentation, avant. De début d'émission, genre des jingles, en fait. On se rapproche du générique et du jingle, pour moi. Une musique d'ascenseur. Ouais. Aussi. Parce qu'il voulait se rapprocher, effectivement, de... Entre guillemets, c'est un vrai truc, etc. Ouais. Faut pas que la musique elle prenne trop de place. C'est ça. Oui. Et donc voilà. Et après, Captain EO est revenu en 2009 pour la mort de Michael Jackson. A été remplacé plusieurs fois par des courts extraits. Je crois qu'il y a eu Ant-Man. Il y a eu Star Wars. Il y a eu aussi un pot pourri un beau pourri de Star Wars. Il y a eu des courts-métrages Pixar qui, sincèrement, n'avaient rien à foutre là. Qui n'avaient rien à foutre là parce que c'est gâché une salle. Mais. Bon, c'était un peu honteux. Ouais, mais par contre, c'était quand même plutôt cool. Enfin, les trois films utilisés étaient quand même plutôt cool. Ça divertissait bien, mais c'était gâché la salle. Je crois que le pire, c'est pas ça, c'est Pass of the Jedi. Je l'ai fait, hein. Tu sais que je l'ai fait. Tu sais quand je l'ai fait, moi ? Je l'ai fait lors de la soirée Star Wars qu'ils avaient faite en 2017 pour l'ouverture de Hyperspace Mountain. Donc, en fait, t'avais une soirée Star Wars. Alors, accrochez-vous parce que c'est vraiment le concept vraiment claqué au sol. Une soirée Star Wars au parc Walt Disney Studio. Mais si tu payais plus cher, t'avais le droit à un pins et à l'accès en avant-première à Hyperspace Mountain. Donc dans l'autre parc. Donc c'est complètement con. Et donc tu arrivais, en fait, tu venais faire les attractions Star Wars dans le parc Disneyland, et après tu partais au parc Walt Disney Studios. Et du coup, ce que tu vas faire, puisque tu as payé ta soirée, donc tu vas poncer à Hyperspace Mountain, tu vas faire une, deux, trois, cinq fois, et puis après tu vas aller dans l'autre parc. Et du coup, tu as les cast members qui font « Ah, mais c'est toujours les mêmes qui passent !» Bah oui, forcément, on a payé pour. Question con, comment ils surveillaient que tu faisais bien que les attractions T'avais un bracelet. Non, mais non, tu... Alors, oui. Techniquement, tu étais dans le parc, tu vois, donc tu pouvais. Mais si tes passes annuelles, t'avais aucun intérêt à faire autre chose que Hyperspace, puis la soirée. Bien sûr. Ouais, non, ça, je me rappelle de ce truc. Ils faisaient un montage thématique, un peu comme dans... Comme dans les shows Star Wars de la saison de la Force, finalement. Galactique, ouais. Hein. Je pense même qu'ils auraient pu mettre les mêmes choses, le même film serait la même chose. Et au point même que, par exemple, ils rajoutaient de la musique dans leur montage et ne coupaient pas la musique lorsqu'il y avait les extraits des voix. Le mixage était atroce. C'était vraiment, pour le coup, ça va rire. Pour le coup, je suis désolé, mais le mixage, c'était de la merde. Enfin, je sais, vraiment grossier, c'est pas bien de dire ça, mais là, pour le coup, c'est indéfendable, quoi. C'était honteux. Ça ne servait à rien. C'était incroyable. Et est arrivé en 2018, il y a 5 ans, une attraction toute nouvelle à Disneyland Paris. Une nouveauté incroyable. Ça va annoncer, tu sais, quand ils l'ont annoncé, Max ? À la soirée Inside. Ils l'ont annoncé le 12 avril 2018. Il y a 5 ans et un jour. Et je me souviens qu'à l'époque, t'es assez hypé parce que les mecs, ils t'annoncent une nouvelle attraction, quoi. Quand même, pour l'année même. Puis tu te dis, ah, et quand même, nouvelle attraction, les mecs, ils nous prennent pas pour des cons. Puis 6 mois plus tard, tu comprends que si, t'as quand même vachement bien pris pour un con. C'est vrai qu'en plus, quand tu vois que. Quand les mecs annoncent quand même Mickey et son orchestre filaire magique, c'est une attraction que. Bah, qui est un peu culte, en fait. Oui, qui est culte, que beaucoup d'Européens envient aux US. À ce moment-là, alors je pense un peu moins, on était quand même sur la fin. Je pense que s'il l'avait annoncé en 2010, oui, les gens auraient été hyper hypés. En 2018, il y a un côté, on est content d'avoir cette attraction qui est devenue un classique dans les parcs Disney, mais c'est un peu tard, quoi. C'est ça. Surtout quand tu te rends compte qu'il y a les trois quarts des effets vraiment impressionnants du film qui ne sont pas présents. Ça, c'est le vrai problème. C'est le premier problème, c'est qu'en réalité, donc là où aux États-Unis et au Japon, t'as une salle de théâtre dans laquelle on t'explique qu'il va y avoir un orchestre qui va jouer et ça part en vrille, là t'arrives vraiment dans Discoveryland Theater qui a été vaguement repeint vite fait, on voit pas, on a changé les affiches et on n'en parle plus, tu rentres dans une salle de pré-show où tu te rends même pas compte que t'es dans un théâtre, tu piges même pas où t'es en fait, ni ce que tu fais. Et s'il n'y avait pas l'affiche pour te dire que s'il y a un orchestre, tu ne le saurais pas, en fait. C'est que quand tu rentres dans la salle, que tu commences à voir des rideaux, mais qui ne sont même pas des vrais rideaux, qui sont les rideaux à l'écran. Oui. C'est... Avec le format d'image qui change en fonction du film présenté. Et parce que dans la version originale, tu as donc un écran qui se déroule et qui s'agrandit, en fait, au moment où Donald tombe dans le chapeau, entre guillemets. Là où chez nous, en fait, c'est juste qu'ils ont mis un tout petit écran et qu'ils élargissent. Merci après. Pour le spoil. Ah merde, vraiment va. Ça va, dans 4 jours, j'y vais. Vraiment, tu savais pas? Non, je savais que l'écran s'élargissait, je pensais que c'était plus par rapport au rideau qui s'ouvrait. Et puis, si le truc pareil que je me suis fait spoiler parce que tout le monde était honteux par rapport à ça, c'est le fait de ne pas voir Donald derrière. Ça, c'est honteux, c'est quand même honteux. C'est honteux, mais c'était sûr. C'est vrai qu'ils auraient pas pété un mur. Je crois que le plus drôle, en fait, c'est de se dire que l'année d'après, il y a Astérix qui a fait un cinéma 4D avec où il y a cet effet-là à la fin. Oui. Et ça, c'est drôle. Je suis choqué quand j'ai vu ça. Sur Filaire Magique, en plus, pareil, sur le point de vue musical, tu vois quand même que c'est un petit peu daté. C'est que tu as ce mélange dans le mixage entre les chansons originales. C'est vraiment les musiques originelles. Et puis, par moment, lorsqu'ils t'enlèvent les voix et puis qu'ils changent un petit peu le tableau, par exemple, dans C'est la fête, lorsque ils vont changer un petit peu les images par rapport au film, vu que c'est que de la 3D, ça a été refait, et bien, en fait, ils vont te mettre des instruments MIDI dessus. Donc, tu vas avoir une trompette bien synthétique qui va te jouer par-dessus un orchestre qui est vraiment acoustique, quoi. Ça s'entend. C'est pas toujours propre. Après, ils ont de la thune, désolé, mais il y a des instruments virtuels qui font le job. Maintenant, oui, tu peux faire du montage, tu peux faire des remasters de la musique pour pouvoir remettre ça proprement. Puis c'est con, mais je pense qu'enregistrer les trompettistes en studio, ça passe aussi. Hein. T'as un truc quand tu vois que le premier est sorti en 2003, désolé, mais entre 2003 et 2023. T'as le temps de se dire, ok, on prend un mois pour se dire, on déjà refait 2003, quand même la tard. Musique. Je trouve que déjà en 2003, c'est tard pour se permettre d'avoir des instruments MIDI dans une musique. de show. T'as un truc qui est pas mal, par contre, dans la musique, je trouve, hein, je sais pas si, ce que vous en pensez, c'est que ils ont eu la bonne idée de faire un mélange VF-VO en France. Oui. Oui, c'est-à-dire que, moi, par exemple, sur La Petite Sirène, t'as un peu au milieu un switch, je sais plus dans quel sens. Et, je crois que c'est comme ça sur toutes les chansons, et à peu près. Et c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Ouais. Et c'est cool, parce que ça contente tout le monde et ça évite d'avoir des séances différentes. Je ne peux plus entendre la musique de La Petite Sirène normalement maintenant. Ah ouais? Je suis vraiment à me chanter les paroles en français, puis d'un coup à faire I wanna be. D'accord. C'est bizarre. Mais non, je suis d'accord avec toi. Ils font attention à ça. C'est plutôt cool. Et ils ont rajouté une scène Coco en 2021 ou 2022? Je crois que c'est en 2021 qu'ils ont rajouté la scène Coco. 2022. Ça dépend. Mais oui, c'était pour les 50 ans de Walt Disney World notamment. Ça fait partie 2021 de leurs 50 pour Coco. Et c'était au mois de juillet, je crois. Ouais. Ou printemps, c'est... ouais. Et à Tokyo, en fin 2022. Bien plus tard, ouais. Et la scène s'intègre bien. Je pense que c'était ce qu'il fallait. En fait, c'est con. Le problème, c'est que la scène Coco aujourd'hui, non, je trouve pas qu'elle s'intègre bien. Parce qu'en fait, c'est la seule qui est belle. Le reste est pas beau et daté. Et c'est là, en fait, le truc par rapport à Fire Magic. C'est un film où clairement, là, ils l'ont fait. Hein. Il y a les transitions entre chaque scène, c'est des fondus au noir. Ils pouvaient facilement rajouter, changer des scènes au sein même du truc. Ouais, ça fait partie. En fait, c'est une attraction qui aujourd'hui, quand tu la vois, tu te demandes pourquoi ils ne sont pas essayés de la mettre à jour un peu régulièrement pour qu'aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer un filard magique avec Frozen, Vaiana, Coco, Encanto et c'est ça. Et je sais pas, Alerte Rouge quoi. Et en fait, c'est... ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'au final, le filard magique, c'est pas une attraction, c'est un show. C'est juste un show sur un écran. Et ça? Ça dépend où, non? Pas sûr qu'aux US, c'est considéré comme une attraction, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même chez nous, c'est une attraction au final. Tu fais ta queue, t'es posé sur ton cul, sur ton siège, et puis tu regardes l'écran, c'est immersif tout ça. Mais en fait, on pourrait plus le considérer comme un spectacle. C'est la construction d'un spectacle qui est incroyable, oui, par rapport à ça. De toute façon, même dans l'histoire, ça t'est vendu comme un spectacle. Bah, de toute façon, le problème, c'est que si tu regardes sur Filaire Magique, c'est que c'était aussi avant tout un exercice pour faire de la 3D pour eux. Et que du coup, ils ont refait des classiques en 3D, alors que, bah, évidemment, nous, on connaît les classiques par cœur en 2D, parce que c'est Roi Lion, Belle et la Bête, Petite Sirène et compagnie. La Petite Sirène est propre. Ça va pas non plus très loin. Il y a que les paysages qui sont beau, mais les personnages sont moches, ouais. Affreux. Même Peter Pan, c'est pas bien. En fait, c'est là où tu vois le problème, c'est qu'ils auraient dû. En fait, aujourd'hui, t'as cet avantage que tous les films étant en 3D, la 3D, forcément, même si c'est de la 3D un peu datée, comme celle de je sais pas, de Volt ou de Frozen qui commence à dater un petit peu, mine de rien, ou de Réponse, ça passerait en fait, parce qu'on est habitué à cette esthétique là et à ce que ces films aient cette tête là. Et un peu pâte à modeler. Ouais, un peu avec un éclairage un petit peu plat. Mais ça, c'est pas dramatique en soi en fait. S'ils avaient mis à jour, il n'y aurait pas le problème aujourd'hui. Et tu le vois sur la scène Coco en fait, où littéralement ils auraient mis des images du film, ce serait pas choquant, tu le verrais. Tu verrais pas la différence. Et donc voilà, tout ce qu'on a eu à Discoveryland Theater. Ensuite, en 2004, donc le visionnement a fermé. Bon, j'ai jamais fait au final Visionarium. Oui, moi je l'ai fait, mais quand j'étais petit, ça me faisait chier parce que j'étais petit, c'était chiant. Voilà. J'ai pas à Disney pour regarder les écrans. J'étais déjà un connard comme ça. Parce que maintenant, tu viens à Disney pour regarder les écrans. Ouais. Et mal intégré comme Ratatouille. Mais donc au final, oui. Pirates des Caraïbes. Ou Flight Force. Attends, dans Flight Force, il y a les écrans. Oui, ils sont assez mal intégrés en plus. Donc. Ou Space Mountain. Ouais, attends, Web ouais. Allez, c'est parti, Web, on va tous les faire. Big Thunder, techniquement, oui, et les projections et les écrans. Buzz. Non, pas Buzz. Non, pas Buzz, il n'y en a pas. Ah non, ah, pas non. Oh, c'est étonnant. Bah non. Oh putain, Alex, belle transition. Si, chuchu sur le visage de Buzz, animatronique. Sur le visage de Buzz, c'est vrai. Ah, ok, je force un peu, hein, mais. Accessoirement, t'as un écran sous les yeux pendant tout le long aussi. Hein. Avec, oui, avec des chiffres dessus. Eh oui. Si on cherche la petite bête, on la trouvera. Hein. On est fort pour ça. Et si on le voit, on verra bien à la réouverture. Dans... Ils sont capables. Et donc, voilà, 2004, le Visium ferme pour laisser sa place à Buzz l'éclair. Nouvelle égérie Pixar depuis 1995. Donc, attraction qui est inspirée de Toy Story 2, précisément. Et donc en fait, l'histoire est plutôt simple. Zurg est arrivé, il a volé les piles de tous les jouets. Et il faut que tu combattes Zurg et ses sbires pour récupérer les piles. Mais savez-vous, les piles viennent de Glendale. Hein? Waouh. Là où il y a, justement, Walt Disney Imagineering. Glendale, c'est pas le prénom de Nagla? C'est une attraction qui a pas mal de détails en fait quand tu la regardes bien, mais c'est juste que en fait t'as deux façons de la faire. Tu peux la faire en étant à fond sur les cibles, sur le jeu, concentré pour essayer de bien jouer. Tu peux essayer de regarder les décors et c'est intéressant parce que mine de rien, il y a pas mal de choses, notamment t'as tout le début en fait où tu vas dans un croiseur de Zurg en fait. Ouais. Et ça c'est plutôt cool en fait quand si tu regardes un peu de loin. Parce que tu le vois de loin le croiseur, mais une fois que t'es dedans, bah tu le vois pas, tu te rends pas compte que tu rentres dedans. Mais de loin, tu t'en rends bien compte. Et c'est une attraction qui peut être intéressante si vous avez l'habitude de la faire en étant vraiment à fond dans le jeu, de presque poser le pistolet, vraiment de regarder au loin, de regarder les détails. Parce que vous pourriez voir Nanaï. En fait, je l'ai jamais. Je crois que je me l'ai montré une fois et j'ai pas réussi à la voir. Vas-y, la photo. Et c'est vrai qu'au final, sur le point de vue interactif, c'est plutôt daté et ça n'a tellement. Je peux dire que ça n'a pas l'intérêt, mais c'est tellement compliqué de faire des points, de trouver son point rouge et puis de tirer sur les films, machin, tout ça. Oui, ça va. En fait, on est technique. Puis t'as ce côté où, ça va être assez dépendant de la maintenance aussi. Des fois ça tourne bien, des fois ça tourne pas bien, des fois t'as un bon pistolet, des fois t'as un pistolet de merde. C'est vrai que c'est vraiment un Dark Ride en plus qui est hyper fourni, hein. Il y a beaucoup de... ça bouge beaucoup, bon il y a beaucoup de cibles heureusement, mais c'est vrai que le fait que ça bouge beaucoup aussi, beaucoup de trucs qui sont mobiles, cherchez le mot. Parfois. Ouais, c'est assez riche en fait. Ouais. Ouais. Et au final, ça fait un peu attraction surcotée parce que c'est Buzz et parce que t'as ce côté pistolet et tout ça, mais je suis vraiment le cul entre deux chaises sur Buzz, ou est-ce que je me dis, est-ce que j'ai envie de faire Buzz, sachant que je connais les principes, je connais les procédés, mais est-ce que j'ai envie de faire Buzz vraiment d'un point de vue... Je peux te poser un dilemme ? Oui. Vas-y, web ou Buzz. Non, pire. Pire. Là, tu fais Buzz pas si souvent que ça. Maintenant, imagine Buzz n'est pas au parc Disneyland, mais au parc Walt Disney Studio. Est-ce que tu ferais pas Buzz quasi systématiquement dans ce parc-là ? Si. Je pense que tu ne le fais pas au parc Disneyland parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que tu vas mettre en priorité. Et qui sont plus. Alors que si c'était à Studio. Artistiquement plus réussi. Ouais, tu vas faire du Defender, du Phantom, du Pirate, du machin comme ça. Si tu le mettais à Studio, il serait pas loin derrière, je sais pas, la Tour de la Terreur, pas grand chose derrière, quoi. Bah, c'est con, hein. Web, au parc Disneyland, je le fais pas. En Studio, et ben, je vais pas dire que c'est un incontournable, mais... Ouais, c'est un peu la question sous-jacente, tu vois, Web ou Buzz. C'est la même chose. Web ou Buzz, bah, une fois que t'as coupé le côté de nouveauté de Web, pour moi... Bah, je trouve que Buzz est plus refaisable en fait. Voilà. Oui. Je vais avoir des problèmes, mais il n'y a pas ce côté où, bah, tu vois, dans Web, une fois que tu as bien regardé les décors, que tu as bien regardé les écrans, ça m'intéresse moins de le refaire. Tu vois les animations des Spider-Bots qui sont les mêmes systématiquement, genre le gros Spider-Bot qui dodeline un petit peu, ou des choses comme ça. Tu reconnais en fait, et au bout d'un moment, ça te sort du truc. Tu es juste devant un espèce de jeu vidéo, alors que sur Buzz. Oui, t'as ce côté interactif, mais t'as quand même des décors, t'as quand même un truc dans lequel tu te perds, t'as quand même ce côté immersif avec des trucs tout autour de toi, pas juste un écran devant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi en vrai. Et j'avoue que même moi, j'ai rarement au final. Tu vois le coup du croiseur de Zurg, de oui, Zurg. J'ai jamais tu le vois forcément pas. Revu en fait. Bah en fait c'est parce que. Entendre parler. Soit même quand tu regardes les décors, tu vas regarder ce qui est pile devant toi pour regarder les cibles. C'est tu vas pas regarder ce qui est un petit peu au loin ou les trucs, les silhouettes qui se dessinent ou les trucs que t'as au mur. Et Max, il ne l'a jamais vu Nine-Nine. Ouais. Ah non, parce que moi je cherche ma première cible qui est à gauche et puis voilà. Au final, je crois qu'il est à droite au premier étage. Il est à droite, ouais. T'es entre le chien robot et le boxeur robot. Bon, parce que c'est pareil. Il est dans le fond, il est bien caché. Et la musique de Buzz Lightyear Laser Blast a été composée par George Wilkins. Ah oui, à qui il faudrait, je pense, retirer la reconnaissance d'être humain. Je pense surtout que c'est le mec qui a composé les effets sonores, à qui il faut retirer les mains. Oh, tout, je pense, tout. Ah, c'est horrible. Cette musique électronique jouée. Électro-synthé magnétique. Ouais, électro-synthé magnétique. On retrouve quand même les thèmes. On retrouve quand même les thèmes de Toy Story. Dont on a parlé dans le podcast sur Toy Story. Oui. Et hop, petite pub juste avant. Donc, étrange bazar. je suis ton ami tout à la fin. Après c'est ce côté très comme ça. C'est ce côté très très années 70, très pulp, très soupe aux choux qui bon, il plaît ou il plaît pas quoi. Oui, on est d'accord, très soupe aux choux, oui. C'est ça. Mais en fait, même la musique ne sert à rien, actuellement. Elle ne sert à rien. Non. Je la trouve très forte aussi. Je trouve que la musique est. Bah, en fait, c'est très simple parce que les véhicules font un boucan du diable dans Buzz. Mm. Du coup, ils sont obligés de pousser la musique vraiment très haut pour qu'on ne les entende pas, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez, les cast members à Buzz ont de plus en plus de micros et de casques. Oui. Parce que sinon ils doivent gueuler, descendez du véhicule, arrêtez d'être con et attention à la marche. Attention à la marche. Bien the step. C'est vrai ça. Ouais. Je regarde un petit peu ce qu'a dit George Wilkins sur la musique de. La musique. Il fallait que la musique flotte au-dessus de tout cela sans interférer, qu'elle soit transparente comme nous l'évoquions, tout en participant de l'histoire. Donc quand on disait qu'elle avait aucun intérêt, c'est vraiment juste. C'est vraiment ce qu'il a dit. Hein. Il faut qu'elle couvre les bruits des véhicules. Hein. C'est vraiment ça. Faut accompagner. C'est lui aussi qui s'occupait des effets sonores. Leur tessiture étant très aiguë, je me suis attaché à ne pas faire aller ma musique jusqu'à ses hauteurs pour ne pas interférer avec elle. Donc sa musique reste tout le temps médium grave pour ne pas interférer avec le bruit des cibles et des pistolets. Chaque partie a son propre arrangement. Par exemple, les trois premières étapes du parcours sont une préparation progressive à votre entrée dans la bataille. De fait, l'ambiance musicale est homogène, mais avec des particularités pour chaque salle. Puis vient la première bataille. Là, l'ambiance est différente, et même s'il a plusieurs parties à ce combat, je l'ai conçu comme une seule et même pièce. Oh, vache. Dans le pôle d'embarquement jusqu'à la bataille, ils ont le même tempo et la même harmonie. Donc ça, c'est vraiment sur le point de vue écriture, plus qu'au niveau de l'orchestration. Au niveau de l'atterrissage forcé, elle reprend une rythmique évoquant les battements du cœur. Donc c'est toute la partie du milieu juste avant le tunnel noir. Et puis à la fin, on est sur une musique très très fière et victorieuse pour la victoire de Buzz et You've Got a Friend in Me. Ouais. Ah, il a quand même. En vrai, je le plains, le mec. La marche du. Attention, là, c'est ce qui montre aussi que la musique de Buzz, c'est quand même compliqué. La marche du début est enregistrée à partir de samples, notamment de cordes et de theremins. Les samples, c'est des boucles musicales très très courtes. Ouais. Qui ont fait en général tourner en boucle. C'est. Le rap américain des années 70-80 est composé principalement de samples. Mais je pense que t'as vraiment ce côté où la musique elle est insupportable parce que c'est un espèce de bruit constant et qu'ils sont vraiment contraints de faire en fait, sinon le bruit des véhicules serait insupportable et sortirait complètement de l'histoire en fait. Et du coup, c'est à ce point là le bruit des véhicules, je me rends pas compte. T'as vu la taille des véhicules, c'est des machins qui pivotent sur eux-mêmes, ça doit faire vraiment beaucoup de bruit hein. Ils ont mis beaucoup de trompettes en plus, une trompette piccolo qui a ajouté des claviers ainsi que des caisses claires. C'est le frère de John Williams qui s'est occupé des orchestrations. Et vous Jean-Guillaume Donne. Et donc, vous parliez de la musique assez, années 70-80. Et bien, il y a par exemple du térémine. Le térémine, c'est l'instrument qui fait qu'on retrouve dans le générique de Doctor Who et qui représente les années 50-60. En fait, c'est con, c'est que le mec a vraiment beaucoup travaillé pour rendre la musique de Buzz Éclair insupportable. Et en étant très synthétique, tout ça aussi, pour le côté jouet, le côté un peu spatial, électronique, des piles, tout ça. Bah après, c'est pas sa faute si le cahier des charges est à chier, quoi. Enfin... Oui, clairement. Et puis c'est pareil, l'attraction date de combien de 99, 2000. Alors tout à l'heure, je disais qu'en 2003, c'était un petit peu honteux d'avoir fait la magie avec des instruments MIDI durant le truc. Mais là, je pense que les instruments MIDI en eux-mêmes n'étaient peut-être pas non plus hyper aboutis dans les années 90-2000. Pour ce type de musique. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il a fait aussi un peu avec les moyens du bord. Il aurait peut-être pas dû. Première version 98. C'est ça, donc il a dû composer en 97-98. Et puis donc il a fait avec deux chansons parce que le film est sorti en 95. Attends, ça veut dire que l'attraction est sortie avant le film numéro 2 ? Bah, 3 novembre 98. Ah, donc ils ont fait. Ils ont été audacieux, ils ont fait une synchro. Et puis à la fin, bien sûr, la dernière attraction de Discoveryland, la montagne de l'espace. Oh. De la Terre à la Lune ? On va commencer par de la Terre à la Lune. Space Mountain, on a fait un super podcast là-dessus. Attraction qui est inspirée du Matterhorn et puis tout ça. Donc la Californie, la Floride, Tokyo, arrivé en France. Sachant que Tokyo a la version. Est une version copier-coller de la Californie et que la Floride est une version beaucoup plus grande. Là, ils se sont dit, on va en faire une nouvelle version. Aux USA, en Asie, c'est une attraction montagne russe calme, sans inversion. Un peu à la Big Thunder Mountain, un peu, hein, je prends des grosses pincettes, alors que chez nous c'est vraiment un coaster à inversion. Je pense que c'est quand même un peu plus mouvementé, un peu plus brusque. Beaucoup même, hein. Beaucoup. Surtout maintenant. Ouais, avec ce côté très rail court, train court, tu sais, très presque comme une Wild Mouse, un peu comme les. En fait, comme le Matterhorn au final. Comme le Matterhorn. Donc arrive ça en France, on s'inspire donc de Jules Verne, de la Terre à la Lune. Au début, ça devait s'appeler Discovery Mountain, avec une grosse montagne. Alors, on a fait un podcast là-dessus, donc je ne vais pas non plus développer. Il devait y avoir un restaurant, ça devait être une autre type de coaster avec un truc à propulsion, c'est ça. Après, ils avaient aussi parlé d'avoir un mini coaster dedans. Puis au final, ils ont une tour de chute aussi, voyage au centre de la Terre. Tour de chute. Et alors, si des restaurants, il va y avoir un lac. Enfin bref, il avait été envisagé que le Nautilus aussi soit. J'avais vu passer un projet comme quoi le Nautilus devait être une file un d'attente restaurant. Pour. Alors il y a eu restaurant, il y a eu file d'attente aussi pour l'attraction 20 milieux sous les mers qui est arrivée à Tokyo. Et puis c'est rigolo aussi, c'est que cette histoire du volcan est arrivée à Tokyo aussi. Avec l'attraction Voyage au centre de la Terre. Mais finalement, je pense que de toute façon, c'est très simple. Hein. Si tu regardes, si tu veux voir ce qu'était Discovery Mountain, tu regardes ce qu'il y a à Tokyo. Je vous dirai ça, mercredi. Oui, bon, ça va. On a compris, putain, ça fait 2 ans que j'ai l'impression qu'il dit ça. Ou 3 même, 3. 3 ans, putain. C'est vrai qu'au final, c'est encore un projet que la France a payé et qui a été utilisé ailleurs. Bref. Qui avait été aussi envisagé, je crois, pour Westcott. Discovery Bay, il me semble, qui avait été envisagé pour Westcott, qui devait être un équivalent à d'Epcot, mais en Californie, ça avait été envisagé pour leur deuxième parc, à la place de California Adventure. Et tu avais pas mal de concepts autour de Discovery Mountain qui ont été élaborés davantage et qui sont eux aussi jamais vu le jour ailleurs qu'au Japon, quoi. Et donc voilà, par rapport à donc, Space Mountain, et donc au final c'est un coaster à inversion qui arrive en France avec un départ propulsé dans le canon à l'extérieur du dôme, alors que par exemple dans les versions californiennes, floridiennes et donc Tokyo Heat, c'est juste un lift, donc une chaîne qui entraîne le train jusqu'en haut du dôme dans le dôme. façon spatiale expérience, façon tous ces trucs là, le lift ouais. En rond, ouais, effectivement. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur ce coaster de Space Mountain qui s'inspire donc de la Terre à la Lune, un livre de Jules Verne, et encore plus loin, qui reprend les caractéristiques du film, de la version film de la version cinématographique de Georges Méliès. Oui, avec la lune qui ressemblait beaucoup. La lune qui ressemblait beaucoup avec le. À la fin, L'obus dans l'œil. Pas vraiment enfin, la fin, hein. Tout en général. Oui. Parce qu'elle était à l'équivalent de là aujourd'hui où t'as la supernova et les deux soyeux. Donc finalement, c'est plutôt milieu. Ouais. Ouais, début du dernier tiers, tu vois, mais tiers, ouais. Pas vraiment la fin, quoi. Et donc voilà, la musique a été composée par Steve Brunson, qui est donc un compositeur de musique de film. C'était un mec en fait qui n'a pas été appelé exprès pour ça. Il a juste répondu à une annonce. Il voulait qu'un mec fasse une musique pour un coaster, et il s'est dit tiens, c'est rigolo, je vais essayer. Alors, le gars en plus n'a pas pensé, c'est qu'il fallait peut-être qu'il monte dans le coaster pour vraiment voir comment sa musique allait fonctionner, et il déteste ça. Donc il est venu plusieurs 2-3 jours en France parce qu'il a enchaîné le coaster en détestant ça. Et ça, c'est le genre d'histoire qu'on raconte à chaque fois, c'est toujours rigolo. Et la musique s'inspire je trouve que la musique s'inspire beaucoup de John Williams, avec par exemple le thème de Yoda qu'on oui. trouve dans Star Wars. Il y a aussi un côté très E.T. T'as énormément de E.T. ouais, dans Space Mountain. Dans Space Mountain Impression, qui est donc la musique de Villa Filatante, c'est le thème de Yoda. Il y a aussi des couleurs très Debussy, donc qui s'inspire de Claude Debussy, quelque chose de très statique, de très calme, de très posé, de très contemplatif, qui rejoint un petit peu la musique du loop d'ambiance, en fait. Oui. Et la musique de l'attraction en elle-même, c'est des cuivres, c'est beaucoup de cuivres, donc un côté victorieux et fier, c'est des cordes qui vont faire des grands traits, qui vont beaucoup bouger pour montrer qu'il y a de la vitesse. Tout ce système-là, en fait. C'est un petit peu cliché, mais c'est plutôt bien écrit. L'orchestration en elle-même est vraiment bien foutue, chaque instrument est bien mis en valeur, c'est pas trop lourd, c'est pas trop cliché. Tu sais, ça va pas faire musique des années 2000-2010 où on veut juste en foutre plein la gueule pour que tu comprennes que c'est plein la gueule. T'as beaucoup de finesse dans l'écriture. Et ouais, ça, c'est cool. Et en fait, c'est un petit peu, je trouve, en lien avec cette idée de parc fait de parc américain fait pour les Européens, avec où on te met en valeur le côté artistique de tout. Donc on va pas essayer de t'en foutre plein la gueule comme on en foutrait plein la gueule des Américains qui veulent juste eux pas réfléchir et puis consommer. De toute façon, si tu veux, ils consomment. Si tu veux mon avis, la musique est assez révélatrice. Du fait que si tu prends l'idée de base de Discoveryland, pour moi elle marchait vraiment avec trois attractions seulement, donc avec Space Mountain, Orbitron et le Visionarium, en fait, qui étaient les trois dans un même style et avec un peu la même patte, que ce soit dans la musique, dans le visuel, le côté très cuivré, très doré, et finalement tout ce qu'il y a autour, c'est un peu du hors thème déjà en 92. C'est ça. Voilà. Parce que le thème écrit de oui, c'est les visionnaires, machin. Ok, tu peux essayer de le rentrer au forceps, hein, George Lucas, les autoroutes, tout ce que tu veux, mais c'est un peu au forceps. Là où, en tout cas, de ce qui est vraiment parlant, c'est là où, quand on parle d'immersion, quand on parle d'univers visuel et d'univers dans lequel tu as envie de te déplacer, de vivre des aventures, bah clairement, quand tu passes de Space Mountain et de l'Hyperion à Star Tours, ça marche pas. Quand tu passes de Orbitron à Autopia, ça marche pas trop. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, ouais, si tu regardes Space Mountain, la musique de Steve Branson et tout ça, effectivement, tu retrouves un petit peu, on revient sur ce qu'on disait au début avec Evenly Flight et tout ça, on revient dans cet esprit-là, en fait. D'utopie, de trucs contemplatifs, de trucs très aériens, légers, volants. D'aventure, d'exploration, ouais. Et oui, c'est ça. Je suis en train de regarder en même temps l'interview qu'avait fait Jérémy Noyer de Steve Ransom. Space Mountain est la première attraction officiel à utiliser le système d'audio embarqué. Juste avant, ils avaient essayé avec Casey Junior, où t'avais une musique qui était lancée dans le train. Du début jusqu'à la fin, en gros, t'as une seule boucle musicale qui fait tout le tour du parc. En plus de ça, avec les deux premières ont été en France. En fait, Casey Junior, c'est le premier. C'est le premier à avoir de la musique intégrée. C'est ça. Et Space, c'est le premier à avoir de la musique intégrée synchronisée. C'est-à-dire que à différents moments dans le parcours, ça va se resynchroniser avec ce qui se passe. Comme c'est un coaster et que forcément le coaster va jamais exactement à la même vitesse selon le poids du train, selon la chaleur des rails et compagnie, forcément, faut que ça se resynchronise. Contrairement à Casey Junior, qui est un e-powered coaster. Ouais. Donc il tourne à l'électricité. Donc en fait, c'est. Tu peux désigner sa vitesse comme tu l'entends, en fait, du début à la fin. Tu peux dire, là, il roule à 14, là, il roule à 17, et ainsi de suite. Juste, il y avait... Ça, c'est Steve Branson, justement, qui dit ça dans l'interview avec Jérémy Noyer, qu'il n'y avait que l'attraction Indiana Jones Adventure aux États-Unis qui faisait appel à des procédés similaires. Et je pense, de diffusion du son en dehors de l'attraction, plus des haut-parleurs qui sont oui, dans chacune avec, des scènes. Effectivement, en dehors, oui. Et ce qui fait que ça, on l'entend par exemple quand on écoute la musique on-ride de Space Mountain, parfois il y a des moments où est-ce que il y a des traits de cordes qui sont un peu plus tenus, maintenus, par exemple dans le canon, vous avez pas là, pas là, pas là. Et en fait, c'est ben voilà, si donc le train part un peu plus tard, part un peu plus tôt, n'est pas encore arrivé dans la zone suivante, ben en fait, tu auras des éléments musicaux, des motifs musicaux qui seront un peu plus longs, un peu plus courts ou tenus pour que ça fasse une transition plus propre en fait. Il a parlé avec Richard Bellis qui avait fait la musique de Indiana Jones Adventure, ouais. Justement, qui lui aussi avait dû faire plusieurs fois le ride. Les tours du le ride. Et il a dit que les deux premières fois ça allait et les autres fois bon, mais qu'il était quand même content d'avoir fait ça. En fait, c'était pour chronométrer chaque partie, justement, chaque section. Sachant que chaque section, en fait, au final, ça sert à la chronométrie, parce que si, en fonction de qui était dans le train, du nombre de personnes qui étaient dans le train, en fonction, comme disait Curin, de la chaleur, des rails, trucs comme ça. Moi, je suis pas expert, mais tous les coaster fans te diront que un coaster, comme dit notre ami Alex, en a fréquenté beaucoup dans sa jeunesse. Tout coaster fan me dira que un coaster à 10h du matin, c'est pas la même chose qu'un coaster à 18h en fait. Et que le rail a chauffé, et donc forcément, c'est un peu différent. Et c'est toujours un peu chiant, faut pas s'étonner quand tu vas voir un coaster le matin et que, à vide, tu vas avoir des rollbacks, donc c'est-à-dire qu'il va pas réussir à remonter une pente parce que, il fait froid, il est vide, ouais. Et donc forcément, on va prendre moins de vitesse et compliqué le matin, quoi. Donc, oui, le soir, effectivement, on a cette impression d'une que ça va plus vite parce que les rails sont chauds, mais on a aussi l'impression que ça va plus vite parce qu'on est fatigué et ça joue. Aussi, bien sûr. Et ensuite, en 2005, l'attraction est mise à jour. Donc, avant, on allait vers la Lune. Donc, on allait vers la Lune, on revenait sur Terre. Là, on va plus loin que la Lune et on a la mission 2. Jusqu'à voir, en fait, une explosion d'une supernova. Cette mission 2, la musique a été composée par Michael Giacchino. Les Instructibles, Lao, Ratatouille, Zootopie, Coco. Ouais, Pixar, quoi. Pas tous. Non, pas tous. Cars 2. Ouais, loupé. Donc, en fait, il avait fait aussi, peu de temps avant, la nouvelle musique de Space Mountain en Californie, qui reprenait une grosse boîte à rythme. Bah, là, il s'est dit, on va faire la même chose. Donc, il fout une grosse boîte à rythme pour une batterie. Ça donne un côté hyper régulier. Et puis, il part au-dessus. Il a mis un orchestre symphonique qui fait des traits très rapides pour montrer qu'il y a du mouvement dans l'espace. Et autant la musique est cool, autant tu te rapproches un peu plus de ce côté... américain. Soupe aux choux aussi, de Buzz. Pour moi, t'es un peu un peu plus dans cet esprit-là, un peu science-fiction, Star Trek, avec de la musique un peu plus synthétique et moins instrumentale. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, je trouve que Branson, il y a ce côté très européen, artistique, où est-ce que tu écoutes de la musique pour te divertir, alors que te divertir de manière savante. En levant le petit doigt. Ouais, hein. Oui, voilà, si tu veux, à la bobo, si tu veux. Alors que dans Space Mountain Mission 2, c'est vraiment de la musique de bourrin. On te divertit pas, on t'arrache le cerveau. C'est tiens, ça te divertit, mais en mangeant ton hot dog. C'est ça. C'est j'aime bien se prendre ce comparatif. Bronson, c'est le cinéma d'art et d'essai, et puis à côté, t'as Mission 2, c'est le gros blockbuster. C'est totalement ça. Ou alors d'un côté, en fait, t'as Paul Bocuse, et puis de l'autre côté, t'as un bon vieux kebab. Et... Un petit kebab là. Entre Bocuse et Becca, il n'y a qu'un pas. Oui. Oh. Un use. Il s'est pas du tout inspiré de la version de Bronson par rapport à ça. Après, il la connaissait, il a dit. Pas du tout. Il y a beaucoup en fait de cordes qui font. Ouais. Mais c'est de l'effet en fait. C'est que de l'effet. C'est que de l'effet. C'est hyper descriptif. C'est un peu du Mickey Mouse singing. Il n'y a pas de mélodie qu'on retient, il n'y a rien non. de spécial. Oh, il y en a une un peu au corps. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Ouais. Et puis, voilà. En 2015, je me corrigeais s'il le faut, 2016 ou 2017, Space Mountain Mission 2 disparaît. En 2016, il y a une grosse réhab entre 2015 et 2016, au début 2016 je crois, où tu as eu une refonte technique et où l'attraction revient d'un côté un peu presque trop éclairé en fait. Mission 2 était très intéressant visuellement en 2016, ouais. Avec des lumières un peu beaucoup plus puissante qu'auparavant, donc des effets que tu vois bien mieux, des planètes que tu vois bien mieux et ce côté un peu plus immersif, mais derrière tu voyais beaucoup plus le dôme qu'auparavant, c'était presque trop éclairé, tu voyais même parfois les supports des planètes et des différents éléments qui apparaissaient. Et puis surtout en 2016, l'attraction était vraiment très très compliquée à rider parce que tu t'explosais la tronche sur les harnais parce que les rails étaient dans un état assez épouvantable. C'était un coup à sortir d'attraction avec un mal de crâne. Ouais, c'est vraiment mal de crâne, voire plus, quoi. Oui. Et ça, pour le coup, tu as pu le voir cette année-là, jusqu'en début 2017, où l'attraction a refermé pour une deuxième réhab qui était prévue. Et là, pour le coup, c'était une réhab qui était là pour changer les trains, principalement, et donc un peu ralentir, on va dire, ce côté inconfort, et qui a abouti sur, finalement, en plus, le remplacement de Mission 2 par Hyperspace Mountain Rebel Mission. Star Wars, Hyperspace, Mountain, Rebelle Mission. Rebelle Mission, précisément. Encore un nom à rallonge. Qui reprend des... Alors, la musique a été composée par... je vais me planter, putain, c'est le même mec qui a fait Avengers, les musiques des shoots Avengers Campus. Jérôme Leroy, je crois. C'est Jérôme Leroy, oui, effectivement. Qui s'était occupé aussi des arrangements des autres versions de Hyperspace Mountain dans les autres parcs. Et le mec a beaucoup travaillé pour John Williams. Donc en fait, c'est un petit peu logique. Et il a fait les arrangements aussi de Star Tours Mission 2. Mission 2, Star Tours l'aventure continue, pardon. Donc voilà. C'est pas du tout le joueur de foot, hein. Si vous posez la question, le mec qui passait par Marseille, Paris, Lens, c'est pas lui, hein, Jérôme Leroy. C'est un autre. Et Rennes. Pas la fin. Je n'ai pas la ref. Non, mais on est vieux, écoute, on est vieux, référence de vieux. C'est très très souvent parce que en podcast, vous balancez des noms de gars. Et en fait, je tape leur nom sur Google et je tombe toujours sur des joueurs de foot. Et en fait, non, à vous écouter, genre deux minutes après, c'est vraiment des mecs qui ont bossé dans les parcs. Beaucoup de joueurs de foot ont les mêmes noms que. Pour des raisons évidentes, je ne mettrai pas la musique. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Après, la musique en elle-même, au début, tu retrouves l'accord d'ouverture de Star Wars. T'as différents effets. Alors, par exemple, tu vois, tu te rapproches du Destroyer. Tu retrouves les mêmes effets que dans le Destroyer, dans Star Tours, qui est en fait un autre effet, le même effet de Destroyer dans les films. C'est très inspiré par rapport à ça. Il n'y a rien de bien transcendant, en fait, dedans. Bah, ça t'a bien résumé l'ensemble du ride. Oui, j'ai pas grand chose à dire. En fait, non, mais... je crois que l'imagineur qui a fait Hyperspace a eu la grande chance de travailler derrière sur une autre grande attraction qui est Avengers Assemble Flight Force. Et je pense que. C'est Caperton ? Oui, il me semble. Hein. C'est Caperton qui a fait Hyperspace. Et c'est elle qui a fait Flight Force, on est d'accord. On se rappelle, oui, c'est Fly First, je suis d'accord. Et la pauvre. À un moment donné, aidez-la aussi, quoi. Enfin, la pauvre, peut-être qu'elle pourra faire des bonnes attractions si vous lui donnez des bonnes attractions à faire. Je suis en train juste de vérifier en même temps. On se rappelle hein, de ce reportage pour fêter les 25 ans de Space Mountain qui est balancé sur YouTube, où t'avais Yves Benyatta qui balançait « Oh ouais, on avait pensé ça pour Space Mountain, c'était incroyable, c'était génial, on s'était trop amusé. » Puis à côté, t'avais l'imaginaire qui faisait Space Mountain Mission 2 « Ah ouais, on avait imaginé ça, mais t'avais Benyatta qui tirait un peu la gueule parce que ça reprenait tous ces trucs qui étaient un peu démontés. » Puis t'avais Beck, puis après t'avais Clapper Deck qui disait « Bah nous, on a mis Star Wars hein. !» Parce que c'est bien Star Wars. Puis du coup, on a mis bah, l'hyperespace et puis les tirs parce que c'est Star Wars. Vous connaissez Star Wars? C'était clairement pauvre. Ça. Et du coup, c'est marrant parce que quelques années après, elle s'est retrouvée... Elle est directrice créative aujourd'hui à Walt Disney Imagineering Paris. Du coup, aujourd'hui, elle a fait Flight Force. Avant, il y avait le rock, puis nous, on a fait Marvel. Et du coup, on est dans l'espace, puis il y a des missiles, parce que c'est Marvel. C'est ça. Aidez-la, quoi. Donnez-lui un projet correct. Il y a quand même des points communs, enfin... hein, c'est qu'au final, il y a des écrans, et puis c'est dans le noir. C'est dans le noir, c'est inconfortable, et on se fait chier, et ça aurait pu être mieux. Et c'est pas quoi. C'est ça, et ça vibre. Et voilà. Est-ce qu'on a oublié une musique dans Discoveryland? Au niveau attraction, on a vraiment fait le tour. Autopia, on avait dit qu'il n'y en avait pas du tout. On a vraiment fait le tour du truc. Après, on a quand même parlé du plus gros land. De... Oui, il y a beaucoup. Enfin, je pense que c'est peut-être celui où il y a eu le plus d'attractions et le plus d'évolution aussi. Oui. Clairement, oui. Je suis pas sûr que c'est là où il y a le plus de musique pour le coup. Bah non, au final. Non, je pense que par exemple sur Frontierland, avec les restos, avec les différentes zones, tu dois avoir, même sur Frontierland, tu as beaucoup plus de musique que sur Discoveryland. Mais c'est beaucoup, c'est Frontierland, Frontierland, et on en parlera dans d'autres podcasts. C'est vraiment des musiques d'ambiance, des ânes en elles-mêmes, alors que Discoveryland, c'est vraiment de la musique d'attraction. C'est ça. Avec parfois mauvaise, mais oui. Une musique. La seule musique composée pour un land, au moins à Disneyland Paris. Mais je pense que si on gratte, hein, c'est même sur tous les autres complexes Disney, à part Galaxy's Edge. Mais toutes les musiques, c'est la musique d'ambiance de Discoveryland, c'est la seule qui a été composée pour une zone, qui n'est pas un montage de musique préexistante. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez fort. Et je trouve que c'est amené, c'est donner un intérêt, parce que quand tu vois, par exemple, dans les mots-clés, t'avais musique de film, c'est donner un intérêt cinématographique à une zone. Ça te raconte une histoire. On est là pour te raconter des trucs. Et puis les titres, au final, les titres des différentes pistes le montrent aussi. Puis en tant que visiteur, je trouve que la musique de Discoveryland, elle dégage un truc bien plus clair et précis et une ambiance plus définie que la musique de Frontierland, par exemple, qui sont géniales, mais qui sont tellement différentes les unes des autres que... Oui. Ouais. Bah, on n'a pas d'unité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça dégage pas quelque chose de très précis, quoi. Ou même Fantasyland, qui est un grand foutoir musical. Voulu, je pense. Oui. Mais un grand foutoir musical. Tout à fait. Fun fact, et ça va permettre de faire la transition avec la fin du podcast, la musique de Discoveryland se retrouve, s'est exportée ailleurs, dans un autre parc Disney. Lequel? À Tokyo Disney, si. Ah ouais? Waouh! C'est dommage qu'on n'y aille pas quand même, hein. Ça serait bien si on y pouvait y aller. Dans le restaurant Horizon Bay. Ah ouais. Pas d'y aller, Max. Pour que tu puisses où est-ce que nous je vais dire manger, vraiment. Où est-ce que j'ai réservé pour mercredi prochain? Est-ce que j'ai vraiment réservé ce resto pour ça? Insultez-moi. Allez-y, insultez-moi. Tu es un sombre petit être sans cheveux. Et je peux parler, donc ça. Bon, ça va, hein. C'est le live des chefs ce soir. Est-ce que tu feras un live de là-bas à un moment, d'ailleurs? Ouais, ça peut être intéressant. Il y aura des vidéos. Je vous enverrai des vidéos. Non, parce que faire un live à Tokyo Disneyland ou Tokyo Disney 6, c'est intéressant, sachant qu'il n'y a personne qui sera là à 2h du matin, quoi. En plus, t'as pas le droit. Non, en plus... Casse la gueule au vlogueur. En plus, au Japon, maintenant, tu ne peux plus faire... Enfin, ils surveillent absolument... T'as le droit, mais si t'es relou, y a un truc dans le règlement qui dit que t'as pas le droit, donc tu peux être dégagé. Faut vraiment faire attention à ça. Les lives TikTok, par exemple, je pense qu'ils étaient plutôt embêtés par les lives TikTok, sont interdits à Tokyo Disney Resort. Waouh. Ok, bon, bah tu fais pas de live. Les vidéos, c'est bien. Non, mais voilà, vous aurez des... Après, ça pourrait être très drôle de voir Max se faire sortir Manu Militari à Tokyo Disney par des japonais. C'est comme ça que nous allons terminer ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. Merci Max d'avoir décortiqué les musiques de Discoveryland. Merci Max. Avec plaisir. Merci Eparcurien pour ta participation à ce live. Merci de m'avoir invité. Merci Eparcurien. Enfin, vous m'avez pas invité, je me suis invité tout seul, mais c'est pas grave. Merci Eparcurien. Je me rends compte que j'ai dit merci Max alors que c'est pas vraiment à moi de dire merci à Max, mais désolé. J'ai pris mes aises. Et tu as très bien fait, vraiment. Merci Eparcurien d'avoir apporté ton savoir sur Discoveryland ce soir. Oh, c'est gentil. Nous avons une mini Disney's Music Box qui est disponible. Dis-nous en plus, Max. Suite au podcast sur la planète au trésor, on a évoqué le fait que parfois dans les Disney, il n'y avait pas de chansons et que bizarrement, ben, ça avait un petit impact sur le succès ou l'échec commercial de ces films. Donc en fait, je fais une petite rétrospective de ces différents dessins animés qui n'ont pas de chansons et voir un peu comment ils ont fonctionné au box-office. Et après, il y a ceux aussi qui ont peu de chansons. Genre typiquement un Bambi, tout le monde s'en fout des chansons. Qui se souvient des chansons de Bambi ? Clic, cloc, petite pluie d'avril. Ouais, peut-être plus voilà. Souvent que... Il y a la chanson du printemps aussi, je crois. Ouais. Mais tout le monde s'en fout. Love is a song. Love is a song. Ouais, bah ça va, c'est bon, on va niquer mon format court. Vous pouvez donc retrouver cette mini Disney Music Box juste avant ce podcast. Car oui, ce-là actuellement, bah, le prochain podcast, c'est celui-là. La Disney Music Box, c'est un live et la bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Oui. Qu'est-ce qu'il y a par curien. J'ai pas tout compris, mais oui. Moi non plus, je cherche pas, je couperai. Nous, la semaine prochaine, on va faire un podcast sur je sais pas quoi, et avec je sais pas qui, et je sais pas quand on l'enregistre. Max, on peut te retrouver sur Musicland. Oui. Voilà. Si qu'on fait le dernier podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Eparcurien ? Moi, on peut me retrouver dans Rien que d'y penser et dans le Label et l'Apéro tous les lundis à 18h sur cette même chaîne Twitch, twitch.tv/elabete, E-L-A-B-E-T-E. Quoi ? C'est marrant, le dit comme ça. Pardon, je l'ai jamais dit comme ça, du coup, ça m'a fait rire. Quant à moi, on peut me retrouver sur Secret Disney. Je vous rappelle qu'un nouveau livre est sorti, La chasse au secret de Disneyland Paris, deuxième version. Combien d'exemplaires vendus on en est, Alex ? Dis les chiffres. 214 ? 807 ? Non, on est dans une bonne trentaine en vrai. Ah ouais, bah c'est pas mal. Bravo. Okay. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon. Et c'est tout. Il y a un wiki aussi. Utip, c'est fini. Mais il est pas à jour. Il y a un wiki aussi, ouais, mais j'allais dire Utip, mais Utip c'est fini, donc voilà. Il y a un wiki aussi, il existe, il est là, il est présent. Il y a une boutique qui arrive, sans doute. Oui. Oui, restez au courant. Enfin, pas comme Claude François. Achetez des livres d'Alex en attendant. Non, et bien sûr, restez pour la reprise finale. Merci Eparcurien, merci Max. Avec plaisir. Merci. Merci Curien d'être venu. Et à très vite tout le monde. Salut. Tchuss. Au revoir.